الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنواصل في هذه الكلمات on continue la série de محاضرات de كلمات on avait commencé il y a un certain temps مع بعض الإخوة sur les étapes de l'au-delà أي ما يتعلق بالآخرة et les derniers dars la dernière kalima qu'on avait fait ensemble C'était sur Yawmul Ba'th, la résurrection. Amma al-yawm, fa ma yata'allaq bi ahwal Yawmul Qiyam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Azim, fa dharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, yawma yakhrujuna min al-ajdath sira'an ka'annahum ila nusubin yufidhun. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهم واستولى على أفئدتهم فالناس quand ils vont être ressuscités et ils vont sortir من الأجداث أي من قبورهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون فما من إنسان سوى ressuscité وفي هذا الحال قال عز وجل خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خوف de la peur de la crainte قلق لماذا لأنه سيوم عظيم pas de place pour le mensonge pour le كذب كل شيء يظهر ما من أحد إلا et rendra des comptes. قال الشيخ سعدي رحمه الله قد ملك قلوبهم واستولى على أفئدتهم فخشعت منهم الأبصار وسكنت منهم الحركات وانقطعت الأصوات. Les regards ils seront fixes من شدة الخوف. Tellement que l'insan il aura peur, son regard il sera froid, fixe. قال وسكنت منهم الحركات. أي ils ne bougeront plus. من شدة الفزع وانقطعت الأصوات et personne ne parlera إلا من أذن له الرحمن وقال صواب قال الشيخ سعدي فهذا الحال والمآل هو يومهم الذي كانوا يوعدون ولا بد من الوفاء بوعد الله فسوعد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إلى بخومي هذا اليوم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد قال جل وعلا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فاحذر أخي الكريم de ne pas oublier هذا اليوم العظيم الذي غفل عنه كثير من الناس Beaucoup de gens, ils ont oublié ce jour. Et le jour du jugement, Yawm al-Qiyam, le jour où tout le monde sera ressuscité pour rendre des comptes. فَمَنْ عَمِلَ خَيْرًا فَخَيْرًا Celui qui a fait du bien, il trouvera du bien. Et celui qui a fait du mal, il trouvera مَا قَدَّمْ لِنَفْسِهِ أَمَّا الْغَفْلَةِ Et rentrer dans ce système de dunya et oublier هذا اليوم Et celui qui oublie, ça va impliquer qu'il ne va pas se préparer, qu'il ne va pas faire les causes. هذا c'est الخسران المبين. قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Si كثير من الناس sont في غفلة, فالله سبحانه وتعالى il est بكل شيء عليم. قال عز وجل ولا تحسبن الله غافلا. Et ne crois pas que Allah il est غافل. Et il ne sait pas ce qu'ils font haoula ay al-zalam al-kafara wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بل الله سبحانه وتعالى il a retardé l'échéance pour tout le monde, pour ce jour, le jour des comptes. يوم العدل, la justice, الحق. وهذا اليوم تشخص فيه الأبصار من شدة الخوف. Tellement que les gens ils seront apeurés, enfin, ils auront le regard fixe. فهذا اليوم يكون العبد بمفرده. Ce jour, chacun y sera seul. Chacun y pensera qu'à lui. قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. لقد جئتمونا, أي vous êtes revenu à nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter tout le monde et chacun y reviendra. Il Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne pourra fuir. Personne ne pourra manquer à l'appel. قال عز وجل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné aux ibad, min mal, min awlad, min buyud, tout ce que l'insan possède fi ni'mah, min ni'mah, il le laissera derrière lui. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره أي جئتمونا واحدا واحدا كل واحد منكم منفردا. Chacun de nous y sera seul. قال بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا ناصر. Ni femme, ni enfant, ni bien, ni personne pour t'aider ou pour te secourir. هذا اليوم العظيم الله سبحانه وتعالى nous a promis ووعده حق كما تقدم فإياك خلخريم. On doit tous faire attention de ne pas tomber في الغفلة, de ne pas oublier. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. Vous serez tous ressuscités على هذا الحال nu. كما قال عز وجل dans le verset qu'on a cité auparavant, ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. Comme tu es sorti du ventre de ta mère nu, pas circoncis, pieds nus, فهكذا يوم القيامة. On sera tous ressuscités على هذا الحال. قالت عائشة رضي الله عنها, quand elle a entendu ce hadith, cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم, قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم بعضا. Ça montre عفة أم المؤمنين رضي الله عنها. Ça montre الحياة, la pudeur de عائشة, la femme du prophète صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها. Elle a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء ensemble, أي في هذا الحال, أي nu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. Ça sera tellement difficile, tellement dur. Chacun pensera qu'à soi, que personne n'aura le temps de regarder un tel ou un tel. الأمر أشد, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال. Et on n'est plus fait de dunya. الإنسان الآن il voudra que s'en sortir, éviter le châtiment. أما الملذات والشهوات, les plaisirs il a akhri, هذا c'est fini, sauf bien sûr pour المؤمنين quand ils rentreront في الجنة. وعن المقداد رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق. الشمس يوم القيامة elle sera très très proche من الخلق, أي des personnes. قال عليه الصلاة والسلام حتى تكون منهم كمقدار ميل. Cette distance entre العباد والشمس. Et vous voyez, في هذه الدنيا أحيانا les températures elles montent في الصيف, en été, et c'est très très difficile, خاصة dans certains endroits. فما بالك مع أن الشمس, الله أعلم la distance entre nous et الشمس في الدنيا, des milliers, des millions de kilomètres, Allahu a'lam. Amma yawm al-qiyamah kamiqdar mil, cette distance. Qala Salim ibn Amir rahmatullah alayhi, al-rawi 'an al-miqdad, celui qui a rapporté le hadith 'an al-miqdad radiyallahu anhu, فوالله il a juré ما أدري ما يعني بالميل et il a dit je ne sais pas quel est le sens du ميل هنا قال أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين il a dit je ne sais pas est-ce que le sens c'est la distance le ميل et cette distance elle est connue cette unité de mesure elle est connue إلى الآن un kilomètre et quelques قال أو الذي تكتحل به المرأة أو العين أي les femmes ils utilisent un petit bâton pour se noircir les yeux c'est هذا الميل أو la distance qui est connue l'unité de mesure un kilomètre et un kilomètre 500 أو أكثر أو أقل المهم على كل حال الشمس elle sera très très proche قال صلى الله عليه وسلم فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق chacun par rapport à ses a'mal. Et vu que le soleil sera très très proche, chacun par rapport à ses a'mal, il sera dans sa sueur. Al-Araq. Qala alayhi salatu wa salam, faminhum man yakun ila ka'bayh. Certains, la sueur elle montera jusqu'aux chevilles. Ay qalilan. Qala wa minhum man yakun ila rukbatayh. Et certains, ça sera jusqu'aux genoux. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إِلَى حَقَوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقِ إِلْجَامًا قَالَ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِلَى فِيهِ الحديث il est صحيح مسلم certains la sueur elle montera jusqu'au niveau de la bouche jusqu'à ce qu'il sera noyé par sa propre sueur عِيَادًا بِاللَّهِ c'est quoi qui sera utile بإذن الله جل وعلا في ذلك اليوم c'est l'amal c'est l'istiqama tous ces efforts que tu fais l'an que ce soit fil ilm que ce soit fil ibada tous ces sacrifices que tu fais cette patience et tu t'efforces à tenir à ne pas lâcher al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamr قال النبي صلى الله عليه وسلم à la fin des temps celui qui s'accroche à son dîn c'est comme celui qui s'accroche à une braise cette douleur ces efforts que tu fais لا تظن أخي الكريم أن سأن فان أبدا ففي هذا اليوم celui qui a fait des efforts il sera sauvé et celui qui n'a pas fait d'efforts ça par rapport à ses délaissements فكلما ابتعد الإنسان من الاستقامة من السنة من الإسلام فعيادا بالله il sera noyé في عرقه قال نعم الحديث اللي في صحيح مسلم قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. C'est موعظة وذكرى pour celui qui a un cœur. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لعباده. Et vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala قال يا أيها الناس. لماذا؟ لأن tout le monde est concerné. Et Allah subhanahu wa ta'ala il veut le bien pour ses عباد. C'est lui عز وجل qui nous a tous créés. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت حتى la femme qui sera enceinte elle perdra son enfant وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد عذاب الله شديد tellement que ça sera difficile tellement que الناس يسرون في خوف وفزع فتو فيغا الناس كأنهم سكارى كأنهم يسون إفغ تعلمون أن شدة الخوف quand il y a de la panique والإنسان الناس يسون في خوف يسون peur فهذا يكور à droite هذا يكور à gauche ربما يسو بوسكول وأصوات ديكري يعني منظر كبير طيب فيوم القيامة tellement que ça sera difficile كما قال عز وجل ولكن عذاب الله شديد فالناس كأنهم يسرون في هذا الحال سكارى c'est le pluriel vous connaissez le mot سكران إفغ وقال جل وعلا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الله سبحانه وتعالى Il nous démontre comment ça sera ce jour. Qala azza wa jal, yawma yakunu an-nas. Et les gens, ils seront kal farash al-mabthuth. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah, wal farash, هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعضها ببعض لا تدري أين توجه. الفراج c'est les papillons. Les papillons la nuit, خاصة s'il y a de la lumière ou un feu qui est allumé. Vous avez déjà vu أن كل واحد منهم il se dirige d'un endroit à un autre ربما حتى يسقطون في النار. قال الشيخ سعدي فإذا أوقد لها نار. Et si un feu est allumé la nuit en présence de papillons, elle farage. قالت هافتت إليها لضعف إدراكها. نعم. Il y en a les papillons. Ils n'ont pas la raison, le moyen pour s'écarter de ce feu. Et ils peuvent savoir que ça va leur faire du mal. فربما يسقطون فيها. Ils se rapprochent حتى ils se brûlent. هكذا الإنسان. الناس يسقون يوم القيامة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Ils seront dans cet état. قال الشيخ سعدي فهذه حال الناس أهل العقول مع أن الناس ils ont la raison. Ils peuvent discerner le bien du mal. Est-ce qu'il leur fait du tort? Est-ce qu'il leur fait pas de tort? لكن يوم القيامة tellement que ça sera difficile, ils seront على هذا الحال. ومن شدة الهول والفزع tellement que ça sera difficile et tellement que جميع الناس ils seront en panique, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala y préservera. فَلَا يَلْتَفِتْ أَحَدٌ إِلَى أَحَدٌ. Personne ne pensera à un proche, belle aux personnes les plus proches. قَالَ عَزَّ وَجَلْ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Quand le qiyama, ça sera l'heure, نُفِخَ فِي الصُّورِ, et ça sera la fin des temps, et on sera tous ressuscités pour le jour du jugement. قال عز وجل فلا أنساب بينهم. Il n'y aura plus de lien entre eux. Il n'y aura plus la notion de je vais aider mon père ou ma mère ou je vais prendre des nouvelles de mon fils ou de ma fille. Ça sera trop difficile. Chacun pensera à lui-même. قال عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. قال العلامة الشيخ سعدي رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى عن هول يوم القيامة. الهول c'est الفزع, c'est le خوف, c'est la peur, c'est les tourments, tellement que ça sera difficile. وما في ذلك اليوم من المزعجات والمقلقات. المزعجات, il y a des choses qui gênent, des choses qui font du mal, des choses qui serrent le cœur. قال وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث. Quand tout le monde sera ressuscité pour يوم القيامة. فحشر الناس أجمعون لميقات يوم المعلوم. Tout le monde sera ressuscité dans le même endroit et à un moment bien précis. لا يعلمه إلا الله عز وجل. Personne ne connaît cette heure sauf Allah سبحانه وتعالى. قال أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأسباب. Tellement que ça sera difficile, l'insan ne pensera plus à ses proches. Et هذا, ça montre le niveau de difficulté. Quoi qu'il arrive, l'insan, en général, il n'oublie pas ses proches, ses parents, ses enfants. Il a akhir. أما يوم القيامة, ça sera trop difficile. فلا أنساب بينهم. قال فغير الأنساب من باب أولى وأنه لا يسأل أحد أحدا عن حاله لاشتغاله بنفسه. فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها. Tout le monde s'occupera de son propre nafs. لأن personne ne saura est-ce qu'il va être sauvé. لأن هذا اليوم العظيم c'est يوم الجزاء, c'est يوم الحساب, c'est يوم القيامة. فالسلبي qui réussit في ذلك اليوم il aura la paix et le bonheur et la récompense infiniment. Et celui qui échoue, عياذ بالله, celui qui sera ressuscité et ça ne sera pas un mu'min, un muslim, فهذا il aura العذاب éternellement. فلهذا chacun y pensera à son nefs. C'est pas une question de quelques jours, quelques mois. Là, c'est l'éternité. فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. Chacun pensera et chacun redoutera la sentence par rapport à ses amals. قال رحمة الله عليه فلا يدري هل ينجو نجاة لا سعادة بعدها لا شقاوة بعدها ويشقى شقاوة لا سعادة بعدها. قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله سبحانه وتعالى dans ce verset il nous informe عز وجل أن ce jour يفر المرء. الفرار c'est se sauver. يفر المرء من أخيه. Prendre la fuite, il délaissera حتى son frère. Et تعلمون أن le frère c'est un nasab très très proche. Et le frère, le même père, la même mère. بل الله سبحانه وتعالى قال وأمه وأبيه. الأم أنا حق عظيم. فالإنسان في هذا الحال إلا أبلغ. وأبيه وصاحبته وبنيه. حتى سفم. Sa femme dont il a eu les liens de mariage ma'aha fi dunya. Et c'est des liens très très importants. Wa mahabba ila akhirih. Kadhalik. Wa baniya. Et ses enfants. Limada? Qala azza wa jal. Li kulli mri'in minhum yawma idhin. Sha'nun yughniyah. Chacun pensera à lui-même. Chacun a ses propres problèmes. Fal insan il aura plus le temps de penser. Fa prépare hadha al-yawm. Akhi karim. Fais attention de ne pas être. في غفلة insouciant كما هو حال الكفرة المجرمين أنهم يزمقي هذه الدنيا كأنها سدار القرار كأن cette dunya c'est l'éternité كأن ils vont pas mourir كأنهم ils vont pas être ressuscités لأنهم ils savent très bien qu'ils vont mourir. لكن البعض ils essayent de se rassurer en prétextant que après la mort il n'y a plus rien. وهيهات قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم beaucoup de versets بل des sourates entières c'est في يوم القيامة. Je traite ce sujet خاصة à la fin du Coran. Pour nous c'est des mawa'id, pour nous c'est des rappels من رب العالمين. فلهذا et c'est une faïda azim, hein, celui qui ne veut pas faire partie des insouciants, al-ghafili, yukthir min qira'at al-Qur'an bitadabbur. Lakin une lecture en méditant, en comprenant, une lecture bi'ilm. Fallah subhanahu wa ta'ala qal, ya ayyuhal ladhina amanu, taqo rabbakum. Et craignez Allah, obéissez-lui, suivez son messager sallallahu alayhi wa sallam, wakhshaw yawman, et faites attention à un jour, à يوم القيامة, لا يجزي والد عن والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. Personne ne sera utile pour l'autre, ni l'enfant pour le père, ni le père pour l'enfant, ni la mère pour son enfant, ni l'enfant pour sa mère. قال عز وجل إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. On doit faire attention à ces deux choses qui écartent. Qui nous écarte de cet objectif. Ayyoum al-qiyama, le jour où on rendra tous des comptes. Ad-dunya, hadith c'est une fitna azim. Et on a traité, walillahi alhamd, ce sujet dans cette série de muhadharat, tout au départ. Et kadhalik, al-shaytan. Al-shaytan, il te fait croire anna ce jour, il est encore loin. Al-shaytan, il te fait croire anna ce que tu as fait, ça te suffit. Al-shaytan, il te fait croire anna Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafour et rahim, et le châtiment, tu es préservé. Tu as une garantie que tu ne te feras pas châtier. Tout ça, c'est min ghurur iblis. Fahadihi ad-dunya dar amal. C'est une force azim. Si on comprend ces versets, on les met en application, fa'awwalan, on aura un objectif. On ne sera pas comme des animaux, comme al-kavara, al-mujrimoun. Là, on a un objectif, c'est après la mort. هذه الدنيا c'est une étape فقط. On se comporte et on fait des efforts pour l'objectif, pas pour الدنيا elle-même. لأن الدنيا ملعونة. Elle vaut rien عند الله سبحانه وتعالى. والله cette dunya aurait de la valeur عند الله سبحانه وتعالى. Il aurait rien donné عز وجل وكفره. هذه الدنيا الآن pour nous c'est une force. On fait des أعمال. On fait des efforts في توحيد الله. On fait des efforts في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. C'est ça التقوى. C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça en espérant la récompense et en craignant bien sûr le châtiment. فلنحذر جميعا من المغريات. Tout ce qui peut nous écarter من هذا اليوم أي الاستعداد له. Que ce soit les mauvaises fréquentations, que ce soit l'argent, que ce soit autre. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Celui qui s'écarte, celui qui applique pas قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. Il est في غفلة. Il s'écarte du Coran et de la Sunna, il s'écarte de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé en hal haoula يوم القيامة. لأن الجزاء من جنس العمل. Celui qui s'écarte من دين الله عز وجل فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري. أي celui qui s'écarte du ذكر أي الإسلام القرآن السنة. فإن له معيشة ضنكا. أولا يسخر في الدنيا يسخر jamais tranquille. ثم قال عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى. يوم القيامة يسخر aveugle avec tous toutes les difficultés qu'on a citées auparavant, avec la solitude, avec le châtiment, كذلك il sera aveugle. فهذا الإنسان يدرى قال عز وجل قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هذا الإنسان يدمر الله سبحانه وتعالى يا رب pourquoi tu m'as ressuscité aveugle. لماذا لأن هذا البشر voyait في الدنيا et il sait c'est quoi la vue, لكن يوم القيامة cette ni'ma il l'a perdu. Ça nous montre que celui qui ne prend pas soin des ni'am, même si fi dunya, il en profite partiellement, فيوم القيامة c'est fini. قال عز وجل قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أي comme tu as oublié الدين السنة الاستقامة العلم العمل. بعض الناس أني pense qu'à l'avenir de dunya, qu'au travail, qu'aux études, qu'au sport. وربما لا يفكرون في دينهم لحظة. Un instant, ils ne le donnent pas pour din. هؤلاء qui se sont détournés et qui n'ont fait aucun effort, Allah subhanahu wa ta'ala قال, il va informer ce genre de personnes. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. Et tu as oublié ton din. وكذلك اليوم تنسى. Aujourd'hui, tu es oublié. عدلٌ. يوم القيامة c'est le jour de la justice. وقال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Et on peut se poser la question, c'est quoi qui va nous être utile يوم القيامة? C'est هذا القلب السليم. السليم من الشرك, السليم من الخرافات, السليم من الكفر. Et ce cœur pur qui a été purifié بماذا? بتوحيد الله عز وجل بالعلم. هذا الإنسان donné de son temps, il adorait Allah سبحانه وتعالى seul. هذا بإذن الله عز وجل il sera secouru, il sera préservé يوم القيامة. ومن كمال عدل الله عز وجل أنه فرق بين حال المؤمنين وحال الكافرين المجرمين يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى il est juste. Allah subhanahu wa ta'ala c'est arhamur rahimin. L'état, la situation des croyants, ça ne sera pas comme la situation des kafara. Afanaj'alu al-muslimin kal-mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va mettre au même niveau al-kafir et al-mu'min? Abadan. Wa qala ta'ala yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Deux catégories de personnes. يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ. Certains visages seront rayonnants, resplendissants. وَتَسْوَدُ وُجُوهُ. Et d'autres, leur visage sera noir. عِيَدًا بِاللَّهِ. أَمَّا حَالَ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قال الله سبحانه وتعالى فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Pour le kafir, ça ne sera pas facile. Ce jour-là, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ Un jour très très dur. ثم أكد الله سبحانه وتعالى pour nous montrer أنه سحق et ça sera vraiment difficile pour eux على الكافرين غير يسير et ça nous montre la suite أنه pour le kafir ça sera pas facile. وقال عز وجل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فالله سبحانه وتعالى il a qualifié هذا اليوم de عسير est très difficile et de ثقيل très très lourd. Pour qui? Pour المجرم الكافر. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تفسيره على الكافرين غير يسير لأنهم قد أيسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير. Pourquoi ça sera très très difficile? لأنهم ils vont être dans une situation critique, نسأل الله العافية والسلام. أنهم ils n'auront plus aucun espoir. Tout ce qu'ils ont démenti, rejeté, ils le verront. كذلك ils seront sûrs أنهم ils pourront pas revenir. لأن في هذا الحال ils demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala de revenir. Pourquoi faire? Pour appliquer al-din, pour suivre al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Lakin ça sera trop tard. Fais-moi bhalouk celui qui fait hada al-hal. Annahu il est debout, nu, le soleil très très proche. Et il sait que l'azab il est très très proche. Kadhalik. Al-ashak annahu ça sera très difficile pour lui. قال الشيخ سعدي رحمه الله كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسير كفار اللي يديرون يوم القيامة أمم هذا يوم عسير أي très très difficile العسر c'est la difficulté وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وحسنه الإمام الألباني رحمه الله عليه صحيح الجامع يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحشر المتكبرين كأمثال الذر الذر نملة صغيرة سي توت بتيت فورمي فالله سبحانه وتعالى اللي غيسيتخ على هذا الحال بوركوا لأنهم إذا بدوا كبر في الدنيا لأنهم ils voulaient toujours avoir le dessus fi dunya. Annahum ils se moquaient des autres fi dunya. Annahum ils pensaient annahum ils étaient ala shay fi dunya. Fallah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah il les ressuscite ala hada al-hal fi sour al-rijal. Ay la taille d'une fourmi et la forme d'un homme. Ayyadan billah. Qala alayhi salatu salam yaghshahum adh-dhul min kulli makan. Ils seront humiliés de toutes parts. Plus l'insan il est petit, plus il peut ressentir l'humiliation. Le kafir il sera comme une fourmi yawm al-qiyama. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa anzirahum yawm al-azifati idh al-qulub ladha al-hanajir kadhimin ma lil-zalimin min hamim wa la shafi'in yuta. Kadhalik al-kafir sa situation sera très très délicate. Limadha? Lianna hatta al-shafa'a المؤمن il aura cet espoir. كما قال عليه الصلاة والسلام quand Abu Huraira رضي الله عنه il lui a posé la question يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك et qui c'est les gens qui auront le plus le droit de recevoir ta شفاعة بإذن الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه التوحيد فهؤلاء الكهرة ils sont morts على غير التوحيد حتى الشفاعة cet espoir ils l'auront pas. قال الشيخ سعدي رحمه الله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة عيادا بالله cette situation de peur, de tristesse, d'angoisse. Pourquoi? لأنهم ils ont rien معهم. المؤمن يفرح يوم القيامة ويرتاح لماذا؟ لأنه il a fait des efforts et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala حكم عدل ولا يظلم ربك أحد فالمؤمن il a cet espoir والله سبحانه وتعالى غفور رحيم même si l'insan il a du taqsir أما هؤلاء ils ont rien fait هؤلاء ils ont eu du temps Allah subhanahu wa ta'ala il leur a montré مع هذا عناد وكفر وكبر فهذا جزاؤهم، هذا الجزاء اللي بحق. وقال الله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Comment هؤلاء ils vont pouvoir s'en sortir يوم القيامة أو avoir un espoir مع أن هذا اليوم حتى les enfants ils auront les cheveux blancs مع أن الولد celui qui est mort enfant et sera ressuscité n'aura pas de péché. لماذا؟ لأنه il est mort قبل البلوغ قبل التكليف. مع هذا من شدة الهول والفزع والخوف حتى cet enfant qui n'a pas fait de péché ses cheveux ils deviendront blancs. Que dire du kafir, que dire du kafir qui a rejeté بعناد, qui a combattu, qui s'est moqué. فلهذا في يوم القيامة هذا اليوم العظيم الكفار ils seront touchés par l'angoisse, par la tristesse et كذلك par les regrets. قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. يوم يعض الظالم على يديه الظالم المشرك الكافر il se mordra les doigts يوم القيامة كما قال عز وجل. Pourquoi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أي malheur à moi, pourquoi j'ai suivi un autre chemin que celui du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Que ce soit ceux qui ont reçu comme messager Ibrahim عليه الصلاة والسلام ou avant lui Nuh ou après lui Moussa, Isa, notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الكفرة qui n'ont pas obéi à leur messager ils regretteront. فتستفيد من هذا أن السوسفي دو بروفيت صلى الله عليه وسلم كنت أسايد أبليكي سي أون نعمة من نعم الله. فلا تلتفت إلى الحاقدين الطاعنين سو كي تكريتيك سو كي تاكوز سو كي تبخن دو أو لا تلتفت اصبر وعد الله حق. قال عز وجل يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. سا سنموتر أن أون دي كوز كي إلوان الإنسان بور أبليكي بور سو بريباري بور يوم القيامة c'est Al-Khalil, Al-Sadiq. Il prend un tel comme ami, comme fréquentation. Et ceux-là, ils regretteront. Les annas, la fréquentation, l'ami, ils t'aident. Imma fil khair, imma, ils t'emmènent ma'a fil shur. Les annas, l'insan, ils t'aïthèrent. Qala, laqad avallani ani dhikr ba'da idja'ani wa kana shaitan lil'insan khadoula. Est-ce que, fi hada al-hal, ce kafir, il aura une issue? Abadan. Les regrets, faqat. On sait, nous, après avoir compris ce verset, walillahi alhamd, an al-kafara, ils regretteront. Lakin, ça sera d'aucune utilité. Bel, ce regret, c'est min al-adab, c'est un châtiment. Il y en a quand tu regrettes une chose et tu ne peux pas te rattraper, c'est très difficile. Ama balouk, tu regrettes et tu te fais châtier, yadam billah. Fafi hada al-hal, al-dhiyq, al-mufzi', yataman al-kafir, an yaftadi bi kulli shay. Cette étape, ce moment, al-kafir, vu qu'il sera bloqué, pas de tawba, pas de shafa'a, il ne peut pas retourner fait dunya. Toutes les portes, elles sont bloquées. Ayyadam billah. Fa al-kafir, il essaiera, ou si il pourrait, il donnerait tout pour éviter le châtiment. Qala azza wa jal. Yawaddu al-mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bibaniya wa sahibatihi wa akhih wa fasilatihi allati tu'wih ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى. فتأمل شفيرسي يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. S'il pourrait donner ses enfants, s'il pourrait les donner en échange pour ne pas se faire châtier, il le ferait. قال وصاحبته وأخيه. Sa compagne, son frère, ses parents. قال عز وجل ومن في الأرض جميعا. S'il pourrait donner tout le monde et se sauver lui, il le ferait. Lakin la. Allah subhanahu wa ta'ala, il jugera avec justice. Allah subhanahu wa ta'ala, il est injuste envers personne. Il a donné du temps à ce kafir. Combien de signes, combien de rappels. Enfin, celui qui se détourne, il se détourne. Enfin, l'haqiqa, c'est de sa faute. Amma, vouloir donner en échange yawm al-qiyamah, là, yawm al-qiyamah, il n'y a plus cette notion d'échange, argent, ou des connaissances. Abadan. Yom Qiyama, c'est est-ce que tu es mort à la tawhid et tu as des a'mal saliha, ou tu n'as rien. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به. النبي صلى الله عليه وسلم يغبط أن يوم القيامة il sera dit au كافر si tu as l'équivalent de la terre en or est-ce que tu donnerais pour te sauver. فيقول نعم le كافر يجرى نعم فيقال له قد كنت سألتك الله سبحانه وتعالى lui dira je t'ai demandé ما هو أيسر من ذلك. Je t'avais demandé une chose qui était beaucoup plus simple. Pas besoin de قدم l'équivalent de terre en or. Là, tu sors الزكاة. قبل ذلك tu fais الصلاة. قبل ذلك tu crois en Allah, tu l'adores, tu crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu prononces le shahada ila akhri. Mouhim, tu appliques ton dîme et tu seras sauvé. Hatta dans tes biens, c'est une somme très basse, 2,5% par an. Tu n'as pas besoin de donner l'équivalent en or. لكن الإنسان il est hakada. Zaloum, jahoul. L'insan, il attend d'aïman d'être dans une situation critique pour essayer de se rattraper. Fi dunya, ça arrive beaucoup. Quand ils sont dans des problèmes, ils essayent de revenir, d'arrêter, de se calmer. Fi dunya, ça arrive. Katir min al-nas, ils ont fait tawba. Lakin, après la mort, c'est fini. Fa tawhidullah. ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان التقوى الصلاة الأخلاق tout ça بإذن الله عز وجل si on fait des efforts في هذا ça nous sauvera والله سبحانه وتعالى c'est أرحم الراحمين ثم إذا رأى الكافر المجرم أنه لا مفر من عذاب الله سبحانه وتعالى فسيتمنى dans ce cas. Quand le kafir il verra annahu la mafar, il ne peut pas fuir, il ne peut rien donner en échange. Aslan il n'a rien. Personne pour faire shafa'a, l'intercession pour lui. Fa'iyadam billah, il demandera, comme a dit Azza wa Jal, Yawma yanzuru al-mar ma qaddamat yadah wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Liannahu il n'a rien. Qu'est-ce qu'il va qaddam? Ni argent, ni ta'a, ou la shay. Rien n'est accepté sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut. ففي هذا الحال يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Si seulement j'étais poussière, at-turab. Ay, il disparaît. La lahu wa la alay. Ay, pas de récompense et pas de châtiment. Aucun des deux et il disparaît. Lakin la. Wama khalaqtu al-jinn wal-insa illa liya'budun. Allah il a créé le djinn wal-insa pour une hikma azima. وقال تعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Ce jour-là, quand Jahannam elle approchera, et les anges y viendront avec un nar, comme on verra inshallah dans des prochaines kalimates. ففي هذا الحال يتذكر الإنسان. L'insan y réfléchira, il se rappellera, il voudra faire des a'mal, il voudra revenir, il voudra donner en échange. Tout ce qu'on a vu. لكن قال عز وجل وأن له الذكرى. Ça suffit pas, c'est trop tard. قال عز وجل يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. الإنسان il aura des regrets. الكافر il aura beaucoup de regrets. لا يجوز نغتر بهؤلاء. Et d'être fasciné par le kafara ou impressionné. والله ils sont على الضلال وانحراف et regretteront. Ça passe très très vite. أما المؤمنون عباد الله الموحدون قال عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. المسلم qui était على يقين إيمان بآيات الله عز وجل. Il croyait au Coran, il croyait au Sunnah, il aimait Allah subhanahu wa ta'ala, il aimait son messager sallallahu alayhi wa sallam, il aimait ibad Allah al-mu'minin, yuwali fillah, yu'adi fillah. Fahadha al-mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis. Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm. Pas de peur pour vous. Tout ce qu'on a vu, les châtiments, les tourments, l'angoisse, al-mu'min al-salih, il sera préservé de tout ça. قال عز وجل ولا أنتم تحزنون. Il n'y a pas de tristesse. Al-Mu'min, il a fait des sacrifices fait dunya. Il a fait les causes pour éviter la tristesse au Qiyama, même s'il a été triste fait dunya. Même s'il a été privé de certaines choses. Même si on s'est moqué de lui. Même si on l'a accusé à tort. Le jour de justice au Qiyama, falhamdulillah, il n'y aura plus de huzn pour le mu'min, plus de tristesse. وقال عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. La cause de tout ça, بعد فضل الله عز وجل وجزاهم بما صبروا. Ils ont patienté في الدنيا. فيوم القيامة ils auront ces récompenses. نظرة وسرورا. قال الشيخ سعدي رحمه الله نظرة في وجوههم. كما قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة. أي des visages rayonnants. Des visages lumineux. قال وسرورا في قلوبهم فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن. Ce verset c'est une faïda azima. أن المؤمن يوم القيامة l'apparence, son visage sera lumineux, ça sera une ni'ma, et كذلك son cœur, son intérieur, il sera heureux. فالانتérieur, l'apparent et l'intérieur le caché, المؤمن sera في خير. Contrairement au kafir. ضيق وحزن dans son cœur, tristesse, peur, angoisse, et عياذ بالله حتى son apparence. Comme une fourmi et les visages noirs, عياذ بالله. وكذلك كما تقدم معنا في دروس العقيدة أن المؤمنين في هذا الحال l'attente elle sera longue. أما pour le مؤمن ça sera très très rapide. لكن le soleil il sera très très bas. Ou les مؤمنون qui seront sortis de leur tombe après une longue attente, ربما ils auront soif. ففي هذا الحال يبيفرون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكافر il sera في عطش وجوع وخوف. أما المؤمن يبيفرا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le bassin du prophète صلى الله عليه وسلم. Et il n'aura plus jamais soif. Ça c'est une ni'ma. قال الإمام القرطبي رحمه الله في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. هذا الكتاب الطيب جدا طبع في ثلاث مجلدات. Ils l'ont imprimé en trois volumes. Et c'est un livre de l'imam al-Qurtubi. Il traite ce sujet de l'au-delà. De la mort jusqu'à al-Jannah wal-Nar. C'est une référence, cette tazkira. Qala bab ma yunji min ahwal yawm al-qiyama. Et on conclut. Hadi al-kalima bihada. Tastavid min hada. Anna les gens ne seront pas égaux yawm al-qiyama. Lakin on peut se poser la question, c'est quoi la cause pour être sauvé? Taqaddam ma'ana, c'est taqwa. C'est l'iman. Lakin l'imam al-Qurtubi rahimahullah dans ce passage de son livre, il a cité certains points qu'on peut lire هنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Celui qui aide un mu'min, qui facilite un mu'min. Dans d'autres hadith qu'on ne citera pas هنا لأن ذهب الوقت, أنه celui qui paye la dette, mu'sirun, il l'aide, ou il efface la dette à son frère, ou il lui allège. Et huna c'est plus vaste. Min kurbi dunya, il aide son frère, rubbama il lui donne de l'argent, rubbama il lui facilite, rubbama muhim, il l'aide dans quelque chose. Alors que son frère il était fidhir, fichid dans une situation difficile. Nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yawm al-qiyam. Yawm al-qiyam, Allah subhanahu wa ta'ala lui enlèvera une difficulté par rapport à l'aide qu'il a donné à son frère. الحديث إلى في صحيح مسلم. On doit pas négliger هذا. Tu aides ton frère, tu as des hasanat, et c'est une cause pour être aidé يوم القيامة. Et on aura tous besoin de l'aide d'Allah سبحانه وتعالى. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم القيامة le soleil sera très très proche. لكن certains croyants, ils seront sous une ombre. Sept catégories, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité sept catégories de personnes. Al-imam al-adil, le gouverneur juste. Shabun nasha'a fi ibadati rabbih. Deuxièmement, un jeune qui a grandi fi ibadati Allah. Ta'lamoun anna al-shabab, ils sont attirés par l'aib, par le shahawat, par al-mughriyat. Ce jeune qui a fait des efforts, il a grandi, il sera sous cette ombre. قال عليه الصلاة والسلام ورجل قلبه متعلق بالمساجد لأن كثير من الناس sont attirés par الدنيا et font des efforts في الدنيا أما هذا الرجل son cœur il est accroché au مساجد كذلك sera sous cette ombre يوم القيامة ورجلان تحب في الله واجتمع عليه وتفرق عليه deux hommes كذلك ils se sont aimés في الله ils se sont pas aimés pour des profits de الدنيا لا ils se sont aimés في الله ce qui les a rapprochés c'est le din c'est l'ilm c'est le sunnah Et ils se sont séparés à la hada. Ils sont morts à la hada, walillahi alhamd. Ils se sont connus fil khayr et ils se sont séparés à la khayr. Fayawm al-qiyamah, ces deux personnes, elles seront sous l'ombre, sous cette ombre. قال ورجل طلبتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Un homme qui a été tenté par une femme et عياذا بالله, il a essayé de faire معه الزنا et il a refusé لماذا؟ مع أنه il pouvait. أنه c'est cette femme qui s'est présentée. Et tout était facilité, lakin il a délaissé limadha li'annahu yakhafu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha son délaissement de cette ma'siyah, il sera sous cette ombre yawm al-qiyamah. Qala wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu ikhlasun. Et c'est min a'zam al-asbab anna cet homme il faisait des sadaqat Et sa main gauche, elle ne savait pas ce que sa main droite, elle donnait. Tellement qu'il ne se montrait pas. Et il faisait cela discrètement. Ah, là, il sera sous cette ombre, kadhalik. Et la septième et dernière catégorie, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ Et هذا الرجل, il faisait du dhikr, qira'at Qur'an, il a غير ذلك, et il était seul et il a pleuré. لماذا il a pleuré? Pas pour se montrer au فلان اللي رغارد أو أبدا أنه بينه وبين الله عز وجل كذلك سامنتخ الإخلاص فيسرع سوستم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون celui qui veut faire des efforts il fait des efforts في هذا الحضر للدنيا on vit dans une époque أن ربما la famille les proches les voisins le système il nous pousse à faire des efforts في الدنيا حتى quand tu te consacres au علم et au عمل كثير من الناس يكون pas لا تبالي دن الحق à chacun et أعظم الحقوق c'est حق الله il fait tout pour faire partie de هؤلاء أما seul un qui critique qui comprennent pas ton attachement à la sunna et au ilm ils mourront et tu mourras et l'essentiel c'est est-ce qu'on sera sous cette ombre est-ce qu'on sera préservé يوم القيامة فهذه الدنيا الزائلة قال عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار tout ça في الحقيقة il faut du صبر الدنيا pourtant elle est très très courte ربما il nous reste الله أعلم combien de jours combien de mois combien d'années à vivre على كل حال c'est très très court لكن il faut patienter لأن الشيطان يحارب الإنسان والجنة حفت بالمكاره الجنة entourée de المكاره والجهنم والنار حفت بالشهوات فالإنسان il est attiré par هذه الأمور لكن اصبر patient et ce qui va t'aider à patienter أن الله عز وجل قال لم يلبثوا نعم كأنهم يوم يرون ما يوعدون أي le jour où ils verront la promesse d'Allah سبحانه وتعالى أي la résurrection من القبور Et tout le monde sera debout le jour du jugement. كأنهم, ce jour-là, لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. C'est comme s'ils étaient restés qu'un moment في الدنيا. Tout ce qui s'est passé auparavant dans ta vie. ربما des ni'am que tu as eu, de l'argent, du bon moment. Tu t'en rappelles un. C'est comme si c'était un court instant. Il ne reste pas grand-chose. Après la mort, الإنسان ça sera هكذا. فلا تغتر. هذه الدنيا qui ne dure pas. فإذا طال القيام الناس يوم القيامة ça sera extrêmement long comme قال الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة العلماء ils expliquent ce verset على أحد التفسيرين une des explications de ce verset c'est يوم القيامة il y a d'autres explications فإذا طال القيام ça sera très très long فيتوجه أهل الموقف إلى الأنبياء Le jour du jugement, tellement attendre, ça sera long, ça sera difficile, le soleil est très très proche. Al-Mawqif, ils attendront les comptes, ils n'ont pas encore commencé l'un. Al-Mizan, la balance, avec les registres, est-ce que l'insan va le prendre de la main droite, la main gauche, mais idnillah, ça viendra dans des autres kalimat. Les comptes, ils n'ont pas encore commencé. Ils se dirigeront vers l'anbiya pour demander à shafa'a. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا tellement que ça sera difficile, ils vont se rassembler et ils vont aller voir l'anbiya pour que Allah subhanahu wa ta'ala les comptes ils commencent حتى يرتاح. Une raha pour les mu'minin. أما pour le kafara, ça sera من عذاب إلى عذاب. فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس, أي la difficulté dans laquelle on se trouve. خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء إلى آخره. Ils citeront toutes ces choses de Adam et lui demanderont de faire shafa'a, et Adam il dira Allah et il citera la khati'a qu'il a fait et quand il a mangé من الشجرة. ثم بعد ذلك نختصر, ils iront voir Ibrahim. Ibrahim, كذلك, il dira, Allah, je ne peux pas faire shafa'a. ثم, Moussa, عليه الصلاة والسلام. ثم, Isa, عليه الصلاة والسلام. Et كذلك, ils diront, là. ثم, ils iront voir notre prophète, Muhammad, صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل لنبينا محمد, صلى الله عليه وسلم, ارفع رأسك. وقل تسمع, وسل تعطى, واشفع تشفع. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fera shafa'a pour tout le monde, pour Ahl al-Mawqif, al-Mu'minun ou al-Kuffar, et pour que les comptes, ils débutent, ils commencent. ثم بعد ذلك, فيحاسب الله تبارك وتعالى الخلق, comme on verra ensemble, inshallah ta'ala, dans une prochaine kalima. فعلى كل حال, on نستعد جميعا لهذا اليوم العظيم. On doit faire des efforts. Leïlan ou nahar, c'est ça notre objectif, ya ikhwan. La taqtarru biha di dunya. La taqtarru par cet avenir, l'an. Que kathirun minan nas, yudandinun hawla. Les études, le travail, ils pensent qu'à ça. Là, on fait des efforts, nahnu, pour notre din, et on néglige pas de dunya. Celui qui a besoin de travailler, il travaille. Celui qui a une chose à faire, il fait les causes. Lakin, sans oublier l'objectif. L'objectif, c'est après la mort. Même si on qadr ta rien, tu patientes, si tu meurs à la tawhid ou à la sunnah, à la khir, on n'apportera rien ma'ana. Illa hada al-iman que tu as dans le cœur et tous ces efforts que tu fais avec tes membres, ta langue et tes membres. Hada. Amma autre, c'est futile. قال الله عز وجل يسأل الإنسان أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. On conclut avec ce verset, لأن بعض الناس كأنهم سبغلون حتى يدزسبر حتى بعضهم ils ont des doutes. أن on va pas être ressuscité, أن la fin du monde c'est du كذب. قال عز وجل يسأل الإنسان أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. Ce jour-là, quand ça arrivera, et ça arrivera très vite, فالإنسان, il dira أين المفر. Où fuir, comment faire là, خاصةً celui qui ne s'est pas préparé. قال عز وجل كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. الإنسان, il n'y a pas d'issue. Tout le monde sera rassemblé et le juge, c'est Allah سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ونسأله عز وجل الثبات على الحق حتى الممات إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Et dans une prochaine kalima, on traitera le sujet de al-hisab. Après le jour du jugement, l'attente et la akhirah, on est arrivé au hisab. On avait commencé ces cours, il y a longtemps. Et on avait traité la première kalima, pour vous rappeler, celui qui veut réécouter, enfin, c'était sur Dunya, Fitnat Dunya. Thumma, on avait fait une kalima sur le Maut, la mort. Thumma, on avait fait une kalima sur le châtiment de la tombe, Adab al-Qabr, et après la mort, tout ce qui est la tombe, le châtiment, ou les délices. ثم on a fait une kalima sur al-ba'th wal-nushur, la résurrection, et l'étape après la tombe. Thumma, aujourd'hui, walillahi alhamd, on a traité ensemble yawm al-qiyama, le jour du jugement. Et le jour du jugement, c'est long. Falihada, on a qassam. Inch'Allah, on fera après al-mizan avec al-hisab, thumma après al-sirat, thumma on essaiera de conclure avec al-jannah wal-nar. Wallahu musta'an.